rotation avec le soleil. Je me couche quand il se réveille. Si tu savais toutes les bébites qui m'empêchent de dormir la nuit. Des astronautes, des clowns, des feux qui sortent pour me tenir éveillé. Approche, pis moi avec. C'est l'heure d'aller me saigner le bec, me ramasser une pute gratis, si possible une qui a pas de pénis, pour ensuite aller me rhabiller, pour en retourner me vampiriser. C'est que le soleil me brûle les yeux. J'suis allergique au monde heureux. Moi j'bois à même de la jugulaire, de la peur, de la mort, pis de la misère. Crouser le soir d'un bar, pas l'être pantoute quand il fait noir. J'pose dans vos lits sans me faire voir. Je suis vampire de mauvais goût. Ne m'invitez jamais chez vous. C'est que le soleil me brûle les yeux. J'suis allergique au monde heureux. Moi j'bois à même de la jugulaire, de la peur de la mort, pis de la misère.